السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc, chers frères en Allah Azza wa Jal, on va reprendre la série de cours après une longue interruption, Allahu al-Musta'an, qui est le résumé explicatif du livre de l'unicité de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. Et on est arrivé au chapitre qui a pour titre et qui concerne ce qui touche les formules de conjuration et les amulettes. Bab ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im. Et on est arrivé au paragraphe où Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit wa an Sa'id ibn Jubair قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة رواه وكيع وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Donc l'auteur qui est Cheikh Al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, et pour les frères qui n'étaient pas là depuis le début des cours, il y a une biographie qu'on a écrite et qu'on a enregistrée au tout début des cours qui est disponible sur le site. Et tous les cours, les 11 premiers cours, sont aussi disponibles sur le site spfvirmegam.com en audio et en PDF. Donc vous avez les notes de cours aussi. Donc, et d'après Sa'id ibn Jubair, donc c'est Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, qui parle, c'est donc le matn, c'est le texte de l'imam, rahimahullah ta'ala, de Kitab al-Tawhid, il dit, et d'après Sa'id ibn Jubair, qui a dit, quiconque coupe une amulette de quelqu'un qui la porte, aura comme la récompense de celui qui a franchi un esclave. Et c'est évidemment la traduction du sens ici. Il s'est rapporté par Waqi'a. On va voir ce qui Waqi'a, Inch'Allah, dans un instant. Et puis il dit aussi, et il, c'est-à-dire Waqi'a, Damir Ya'udu ila Waqi'a, a aussi rapporté d'après Ibrahim. On va voir ce qui Ibrahim, c'est Ibrahim Nakhai, l'imam, rahimahullah ta'ala. Donc Waqi'a, il a aussi rapporté d'Ibrahim. Il voyait comme détestables toutes les amulettes qu'elles contiennent des versets du Coran ou autres. On va voir c'est qui il, dans un instant, Inch'Allah. Donc maintenant, après avoir cité ce passage du texte du maître de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, on a l'explication du très savant Cheikh Salih bin Fawzan, bin Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Et il dit, « Waki'i huwa waki'u bin Jarrah, thiqatun, imamun, sahibu tasanifa, مات سنة 97 بعد 200 يعني من الهجرة النبوية. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى, il dit Waqi' c'est Waqi' ibn al-Jarrah, un imam, un digne de confiance, fiqh, l'auteur d'ouvrages, sahib tasanif, celui qui écrit des ouvrages, qui est connu comme Waqi' ibn al-Jarrah. Il est décédé en 197 de l'Hégire. Ibrahim qu'on a cité, c'est Ibrahim, c'est هو الإمام إبراهيم النخعي ثقة من كبار الفقهاء مات سنة 96 هجرية. Donc Ibrahim c'est qui? C'est l'imam Ibrahim النخعي, digne de confiance parmi les juristes, les grands jurisconsultes, les grands kibar al-fuqaha, décédé en 96 de l'Hégire. Essayez de retenir les noms des anciens savants et des nouveaux. D'ailleurs c'est important de connaître les noms des savants si on veut savoir de qui il faut prendre la science. Comme à son habitude, Cheikh Al-Fawzan, il fait toujours une explication des termes qui ont été utilisés par le Cheikh Al-Islam Mohammed Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, et puis il fait une explication générale, soit des afar ou des ahadith ou des versets qui sont cités, et puis ensuite il tire des bénéfices de ces textes qui ont été cités. Et donc, il dit Ka'adi raqabatin, il dit Ay, كان له مثل ثواب من اعتق رقبة. Qu'est-ce que ça veut dire? كعلي رقبة. C'est pour ça que j'ai traduit ça moi par la récompense. Comme celui qui a franchi un esclave. C'est-à-dire qui a la récompense identique, similaire à la récompense de celui qui a franchi un esclave. D'accord? Ça c'est important dans la traduction. Et Allah Azza wa Jal, Il qu'Allah Azzawajal facilite qu'il y ait beaucoup de frères et de sœurs compétents qui se mettent à la traduction des textes salafis, des paroles des salafis, des ulama salafis, en langue française notamment, parce qu'il y a un grand manque. Quand on fait une traduction, il faut toujours faire une traduction en fonction du sens. Il faut faire attention aux traductions littérales. Donc ça implique que le traducteur ait des notions des bases religieuses et qu'il ait une maîtrise de la langue source et de la langue cible, donc des deux langues. Donc c'est pour ça que toujours les traductions, vous verrez quand vous verrez le PDF, etc., il y a des parenthèses, il y a des choses qui sont traduites toujours en fonction du sens. Et c'est le sens que rapporte d'ailleurs Charles Fouazan ici. Il dit, comme celui qui a franchi un esclave, il explique Charles Fouazan en disant, qu'est-ce que ça veut dire qu'Adi Raqabatin, il dit, c'est-à-dire qu'il a la récompense identique à la récompense de celui qui a franchi un esclave. Walahu, parce qu'il a dit, Rawahu Waki', Walahu, An Ibrahim, Ani Ay. Wali Waki'a, c'est ça que ça veut dire. Damir ya'udu ila Waki'in, rahimahullah ta'ala. Donc Walahu et il, c'est qui le il, le pronom personnel, à qui il retourne? Eh bien, il retourne à Waki'a, Ibn al-Jarrah, l'imam, al-Fiqh, mort en 197. Et donc, il a dit, c'est-à-dire que Waki'a a également rapporté. Puis il dit, Walahu ay, warawa Waki'un aydan, ça en a déjà traduit, Wakanu, Wakanu. Quand il a dit كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. C'est qui وكانوا et il كانوا يكرهون et il voyait comme détestable. Eh bien, Cheikh il dit أي أصحاب عبد الله بن مسعود وهم من سادات التابعين. Eh bien, c'est il qui voyait cela comme détestable de manière absolue. Et on s'en va voir dans le charh après, inshallah, que ce soit les amulettes qui contiennent des versets du Coran ou autres, eh bien, il voyait que c'était détestable, c'est-à-dire qui? Les compagnons d'Abdullah ibn Mas'ud. C'est-à-dire ceux qui étaient proches et les disciples d'Abdullah ibn Mas'ud. Et ils font partie des plus nobles parmi les tabi'in, al-tabi'un. Ma'na al-atharayni ijmala. Le sens des deux athars en général. Il dit le shir, hafidahu Allah ta'ala, « L'ikhbaru anna man azala an insani ma yu'alliquhu ala nafsihi li daf'i al-afati falahu min al-thawabi mithla thawabi man a'taqa raqabatan min al-riq. L'anna hada l'insan sara bita'liq al-tama'imi musta'abadan lil-shaytan. Fa'idha qata'a anhu azala anhu riq al-shaytan. Wa yahki Ibrahim al-Nakhi an ba'di sadat al-tabi'in annahum yu'ammimun al-man'a من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبة مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريعة. C'est ce qu'on appelle le sed al-dara'i. On avait déjà vu cette règle, mais on va l'expliquer dans un instant, inshallah. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan en explication de ces deux athar? Les deux rapportés par qui? Par Waki'a. Il dit, il y a dans ces deux athar l'information que celui qui retire d'une personne ce qu'elle s'accroche à elle-même afin de repousser les maux, c'est-à-dire des amulettes et autres, c'est-à-dire qu'il s'accroche quelque chose afin de repousser un mal ou une chose mauvaise, il aura, celui qui fait cela, qui retire ce que cette personne s'est accrochée, il aura la récompense identique à la récompense de celui qui a franchi un esclave de son état d'esclavage. Car cet individu, c'est comme ça qu'il faut comprendre cela, comme dit Charles Fozen, c'est par le fait qu'il s'accroche des amulettes, devient un esclave de Satan. Et donc, s'il la coupe de lui, il le retire de cet état, il lui retire cet état d'asservissement envers Satan. Puis il dit, et Ibrahim al-Nakhi, ce grand imam, rahimahullah ta'ala, a rapporté de certains nobles ou certains leaders parmi les tabi'oun qu'il voit que l'interdiction englobe toutes les amulettes qui sont accrochées. Et c'est même si des versets du Coran y sont écrits. Et ce uniquement, comme on dit la qaïda, ce qu'on appelle qaïda sad al-dara'i, la règle qui est connue dans le sharia al-islamiyya, c'est afin de fermer les voies. Nous on va traduire ça comment? Afin de fermer les voies qui pourraient amener à ce qui est interdit. Saddan, vous entendez souvent les mashaykh, ils disent saddan al-dari'a ou bien qaïda sad al-dara'i. Munasabatu al-atharayn lil-bab zahira. Cheikh Al-Fawzan, il dit le rapport, ou si vous voulez, le caractère opportun de ces deux affaires par rapport au chapitre. Parce que ces deux affaires, ils sont rapportés par rapport à un chapitre. Dans le siyak d'un chapitre ici, dans le contexte d'un chapitre. Donc il dit, le rapport entre les deux affaires et le chapitre, quel chapitre ? Maja afirruqa wa tamaim, chapitre de ce qui a été rapporté concernant les formules de conjuration et les amulettes. Eh bien, ces deux affaires et le chapitre, le rapport entre les deux, ou bien les trois ici, est clair car il y a dans ces deux affaires l'information rapportée. فإن فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقة عن هؤلاء الأجلاء من سادات التابعين. Car il y a dans ces deux affaires l'information rapportée de ces illustres personnes parmi les plus nobles des tabi'un de l'interdiction de s'accrocher des amulettes de manière générale, de manière absolue. Puis, comme à son habitude, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, et c'est pour ça qu'on avait choisi cette explication, comme on l'avait dit au début, Cheikh Al-Fawzan, il a deux explications de Kitab al-Tawhid qui sont imprimées. Il a I'anat al-Mustafid, Sharh Kitab al-Tawhid, qui est en deux volumes, qui est une explication plus complète. Et puis, il a le Moulakhas, qui est fi Sharh Kitab al-Tawhid, qui est le résumé explicatif, si vous voulez, de Kitab al-Tawhid. Ma yustafadu min al-atharain. Quels sont les bénéfices et ce qu'on tire comme bénéfice de ces deux athars ? Il dit أولاً فضل قطع التمائم لأن ذلك من إزالة المنكر وتخليص الناس من الشرك. Premier de ces bénéfices, eh bien c'est la vertu, le mérite du fait de couper les amulettes, car il y a en cela le fait de réprouver ce qui est blâmable et de délivrer les gens de l'association. Deuxième bénéfice, الفائدة الثانية تحريم تعليق التمائم مطلقة ولو كانت من القرآن عند جماعة من التابعين. Le caractère illicite, absolu, de s'accrocher des amulettes, et c'est même si elles sont composées de versets écrits du Coran, selon l'avis d'un groupe parmi les tabi'un. Troisième et dernier bénéfice pour ce chapitre, حرص السلف على صيانة العقيدة عن الخرافات. La diligence des plus prédécesseurs dans le fait de protéger la croyance contre les superstitions. Avec ça, on a fini ce chapitre concernant les formules de conjuration et les amulettes. On commence un nouveau chapitre et on va le terminer aujourd'hui aussi, inshallah ta'ala, qui est « Babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima ». Et donc, l'auteur, qui est Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdelhab, rahimahullah ta'ala, il dit, chapitre au sujet de celui qui cherche la bénédiction, ce qu'on appelle atabarruk, tabarraka yatabarraku tabarruka, chapitre au sujet de celui qui cherche la bénédiction auprès d'un arbre, d'une pierre ou autre chose similaire à ces deux choses. Wa nahwihima. Et puis il donne une preuve du Coran. Il dit وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سورة النجم, versets 19 à 23. Il dit donc, et pour preuve, wa qawlillahi ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction du sens est que vous ensemble des divinités, Al-Lat et Al-Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, sera-ce à vous le garçon et à lui la fille ? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet, et ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Surat Najm, comme on a dit, versets 19 à 23. Maintenant, on a fini cette première partie de texte de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, et on prend la parole de Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, qui explique ce passage du texte de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah. Cheikh al-Fawzan, il dit, Hafidahullah, Munasabatul Bab et le Kitab et Tawhid. C'est-à-dire qu'il commence directement par le caractère opportun entre ce chapitre et le livre de l'unicité. C'est-à-dire qu'on a un livre de l'unicité, ce livre de l'unicité, il est composé de chapitres, de abwab. D'accord ? Et ces abwab, ils sont composés de adilla shar'iyya. D'ailleurs, certains mashayikh disent, comme on avait déjà dit dans un cours précédent, que son travail ressemble beaucoup à quoi ? Dans Kitab Tawhid, ils nous ont comparé à un shaykh et à un livre. L'imam Bukhari, dans son sahih. C'est pour ça que les mouadis mashayikh disent « Fiqh al-Bukhari fi tarajumihi ». C'est-à-dire que la compréhension, l'ilm que tu tires de l'imam Bukhari, il est dans le titre de ces chapitres. C'est-à-dire qu'il te donne un titre de chapitre et puis il te donne les preuves par rapport à ça. Et bien c'est le même style que Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a utilisé dans son Kitab al-Tawhid. Et donc, il faut toujours avoir ça en tête que quand on étudie Kitab al-Tawhid, on étudie un livre sur le sujet le plus important qui est l'unicité de Tawhid. Et les salafis sont ceux qui donnent le plus d'importance à Da'wat al-Tawhid. Et donc, un livre très très important que les mashayikhs enseignent beaucoup et les élèves en prennent un exemple sur les mashayikhs. Et il faut comprendre la structure de ce livre. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est fait de abwab. Et donc, ici, c'est pour ça que le shaykh, il rapporte le caractère opportun ou le rapport entre ce chapitre et le livre unicité dont ce chapitre fait partie. D'accord ? Et il dit. أنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله. Et vous allez comprendre, surtout pour les frères qui avaient suivi les cours précédents, vous allez comprendre pourquoi il dit ça, le cheikh. Il dit, ça ne vous dérange pas que je mette ma jambe comme ça. Il dit le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité. Eh bien, il dit, c'est une continuité dans la citation des associations, dans le shirkiyat ici, hein, c'est-à-dire les actes et paroles d'association, qui s'opposent à l'unicité ou à sa complétude. C'est-à-dire qu'une cité ou le fait que l'imam, le tawhid, soit complet. D'accord ? Et puis il dit, le shaykh ici, il dit tabarraka, c'est le verbe que j'ai fait référence tout à l'heure. Vous avez compris par rapport à l'histoire de la complétude ou pas? Vous savez qu'il y a des choses qui annulent le tawhid complètement. L'a'udhu billah, que la personne devient mécréante. Et puis il y a des choses qui annulent quoi? Sa complétude. C'est-à-dire que la personne reste croyante, mais elle a un tawhid qui est diminué. Il cherche la bénédiction. At-tabarruk. At-tabarruk, talabul barakati wa raja'uha wa i'tiqaduha. At-tabarruk, c'est-à-dire du verbe tabarraka, qu'on peut traduire par il cherche la bénédiction, d'accord ? Eh bien, c'est la recherche de bénédiction, tabarruk, et le fait de l'espérer et de la croire. Wa nahwihima, par rapport à la parole man tabarraka bi shajaratin ou hajarin, wa nahwihima, eh bien, ma ashbahahuma min buqatin ou magharatin ou qabrin ou mashhadin ou atharin. Et d'autres choses similaires, et ce qui leur ressemble à ces deux choses, c'est-à-dire quoi? L'ahjar ou l'ashjar, les arbres et les pierres. Il y a d'autres choses aussi qui rentrent dans ce hukm-là. Et donc il dit, et d'autres choses similaires à ces deux choses-là. Et il dit, et ce qui leur ressemble, comme par exemple, il donne des exemples, il dit, comme un morceau de terre, ou une grotte, une caverne, ou une tombe, ou un mausolée, ou un vestige. Puis il dit Afara'aytum. Là on rentre maintenant dans les versets de Surat An-Najm. Afara'aytum. C'est-à-dire Afara'aytum Lat wal Uzza. Afara'aytum, que vous ensemble. C'est-à-dire, comme il dit le shir ici, Akhbirouni an hadi l'asnam, hal naf'at ou darrat. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle ici. Dans les versets en langue arabe, et la traduction du sens est, ou en tout cas la manière dont le shir explique ces versets, il dit informez-moi au sujet de ces idoles. Ou ont-elles amené un bien ou causé un mal? Al-Lat. Maintenant, c'est important de savoir c'est qui Al-Lat et Al-Uzza et Manat. Al-Lat, قرئ بتخفيف التاء وقرئ بتشديدها فعلى القراءة الأولى هي اسم صخرة بيضاء منقوش عليها بيت بالطائف، وعلى القراءة الثانية هي اسم فاعل من لت لرجل كان يلت السويقة أو السويقة للحاج فمات فعكفوا على قبره. par rapport à ce qu'il a dit par rapport à on va expliquer ce que ça veut dire par rapport au pèlerin, qu'est-ce que cette personne faisait par rapport au pèlerin. C'est rapporté dans le Bukhari d'après Ibn Abbas radiallahu anhu. Donc ici c'est quoi Allat, c'est cette idole que les mushrikines adoraient. Eh bien, il dit cela a été récité sans la shidda, c'est-à-dire sans la shidda sur l'âme. Et ça a été récité aussi avec la shidda, Allat. Et ça a été récité aussi sans la shidda. Et maintenant, que veulent dire les deux, avec la shidda ou sans la shidda? Il dit cela a été récité sans la shidda sur le ta. Moi ici je me suis trompé, j'ai mis le ra, je ne sais pas pourquoi. Sur le ta et aussi avec la shidda sur le ta. Selon la première récitation, c'est-à-dire celle sans la shidda, eh bien c'est le nom d'un rocher blanc sur lequel il y a une demeure à Taif. Taif. Et selon la deuxième récitation, avec la shidda maintenant, eh bien, c'est le participe présent du verbe letta, qu'en français, nous, on peut traduire par empâter, hein, en raison d'un homme qui empâtait la farine fine pour les pèlerins. Donc, il faisait ce khair, si vous voulez, pour les pèlerins. Et donc, il est mort, il mourut. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à s'arrêter auprès de sa tombe. Maintenant, la deuxième, Al-Uzza. Al-Uzza, shajaratu سامر قد بني حولها وجعل لها أستار بين مكة والطائف. العزة سانغ كنو بتخدير بانا كاسيا انا كاسيا on aurait pu donner le nom latin en botanique mais franchement hein, je crois pas que ça nous aurait aidé beaucoup. Un acacia, tout le monde connaît un acacia. Un arbre acacia entouré d'une construction et sur lequel des voiles des astars ont été placés qui se situent entre la Mecque et At-Ta'if. D'accord? Donc le premier c'était quoi? C'était en fonction de ce qu'on a dit, c'était soit on a dit un rocher blanc, et puis ou bien on avait dit aussi, c'est la deuxième qira'a avec la shidda, c'est un homme, là c'est un ism fa'il par rapport au verbe latta. Cet homme qui empâtait de la farine fine pour les pèlerins, donc il est mort, et ils ont commencé à s'arrêter auprès de sa tombe. L'Uzza c'est un arbre en acacia comme on a dit. Mais maintenant, Manat. Manat, Sanamun bil Mushallali bayna Makkata wal Madina. Manat, c'est une idole à Al-Mushallal, un endroit qui s'appelle Al-Mushallal, entre la Mecque et Médine. Al-Thalithat al-Ukhra, Dhammun laha bit-ta'akhur, Al-Mut-ta'akhirah al-Wadi' al-Miqdar. Al-Thalithat al-Ukhra, la troisième autre, c'est un blâme par le fait d'être dernière, c'est-à-dire la dernière qui a une valeur basse. Alakum al-zakaru taj'alun alakum ma tuhibbun wa huwa al-zakar. C'est-à-dire alakum al-zakar, est-ce sera-ce à vous le garçon? Vous vous attribuez ce que vous aimez, c'est-à-dire le garçon. Wa lahu al-untha, et à lui la fille. C'est-à-dire qu'ils attribuent, comme le cheikh dit ici, taj'alun lahu al-inatha haythu taqulun al-mala'ikatu banatullah. Et à lui la fille, c'est-à-dire que vous lui attribuez des filles, car vous dites que les anges sont les filles d'Allah. وَالْعَذُو بِاللَّهِ مِنْ دَالِكَ ضِيْزَ جُورْ وَبَاطِلِ. C'est-à-dire que c'est injuste et faux. تِلْكَ إِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيْزَ أَسْمَاء مُجَرَّدُ تَسْمِيَةٌ. أَسْمَاء des noms, c'est-à-dire que ce ne sont que des noms. سميتموها من تلقاء أنفسكم. سميتموها, que vous avez donné, inventé vous-même. من سلطان, أي من حجة وبرهان على ألوهيتها. من سلطان, c'est-à-dire sans preuve. c'est-à-dire sans aucune preuve ni argument quant à leur divinité. Yattabi'un ma yattabi'un ay laysa lahum mustanad. Yattabi'un, ils ne suivent, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune référence. Par rapport à quoi? Yattabi'un illa dhann. Illa dhann ay hasana dhannihim bi aba'ihim. C'est-à-dire qu'ils ne suivent illa dhann que la conjecture, c'est-à-dire leur bon soupçon envers leurs aïeux. وما تهوى الأنفس حظوظ أنفسهم في الرئاسة. وما تهوى الأنفس et les passions des âmes, c'est-à-dire leur désir personnel de leadership. الهدى, la guidance, ici إرسال الرسل بالحجة الواضحة والحق المنير. الهدى, la guidance, c'est l'envoi de messagers avec les preuves claires et la vérité éclairante qui éclaire, Munir. Maintenant, le sens général des versets, c'est-à-dire min ayat surat Najm. Le sens général des versets. Cheikh Al-Fawzan dit: "Yuhajju ta'ala al-mushrikina fi 'ibadati ma la ya'qilu min hadhihi al-awthani thalathati ma da ajattuhum wa yuwabbikhuhum 'ala jawrihim fi al-qismati haythu nazzahu anfusuhum 'an al-inath wa ja'aluha lillah." ثم يطالبهم بالبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجة على هذا المطلب. Si vous avez la même édition que moi, mais il y a une fitha sur yakunan à la fin, c'est une ksara normalement. Ça c'est une faute d'impression. Yakunani. وإنما الحجة في ذلك ما جاءت به الرسل من البراهين الواضحة والحجج القاطعة على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. Donc le sens général des versets, Cheikh Al-Fawzan il explique cela en disant: Allah argumente avec les associateurs au sujet de leur adoration de ces trois idoles qui n'ont pas de raison. En quoi vous ont-elles fortifié? Et il les blâme, subhanahu wa ta'ala, au sujet de leur injustice dans le partage, car ils se sont exemptés des défis et les ont attribués à Allah. Puis Allah exige d'eux une preuve quant à l'authenticité d'adorer ses idoles. Et il démontre que la conjecture et les désirs personnels ne sont pas une preuve pour cette requête. La preuve à ce sujet n'est que ce avec lequel les messagers sont venus, en termes d'arguments clairs et de preuves catégoriques quant à l'obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de délaisser l'adoration des idoles. Maintenant, munasabatu al-ayat lil-bab, le rapport entre les versets et le chapitre. Anna fiha tahrim at-tabarruk bil-ashjar wal-ahjar wa'tibaruhu shirka. Fa inna 'ibad hadhihi al-asnam al-mazkurati inma kanu ya'taqiduna husul al-barakah minha bit'azimiha wa du'a'iha. Fatabarruku bil-qubur katabarruk bil-lat. Donc le cheikh il dit, le rapport entre les versets et le chapitre est qu'il y a dans ces versets l'interdiction de chercher la bénédiction auprès des arbres et des pierres, et que cela est considéré comme de l'association. Les adorateurs de ces idoles citées croyaient qu'ils pouvaient obtenir la bénédiction en les vénérant et en les invoquant. Chercher la bénédiction auprès des tombes est identique au fait de chercher la bénédiction auprès de l'Allat. Et chercher la bénédiction auprès des arbres et des pierres est identique au fait de chercher la bénédiction auprès d'Al-Uzza et de Manat. Vous avez compris pourquoi en fonction de l'explication de chaque. Puis le cheikh, il dit, il termine ce paragraphe en disant « Ma yustafadu min al-ayat » Il dit « Ce que l'on tire comme bénéfice de ces versets de Surat Najm « Awalan ana tabarruka bil-ashjari wal-ahjari shirk » Premièrement, c'est que chercher la bénédiction auprès des arbres et des pierres est une association. Thaniyan, mashru'iyatu mujadalati al-mushrikin. Ici, il y a encore une fitha, c'est une ksra. Mujadalati. Mashru'iyatu mujadalati al-mushrikin al-ibtali al-shirki wa taqriri al-tawhid. Le caractère légiféré de débattre avec les associateurs afin de réfuter l'association et d'affirmer l'unicité. ثالثا ان الحكم لا يثبت إلا بدليل ما بدليل لا مكسرة كي موك ici إلا بدليل مما أنزل الله لا مجرد الظن وهوى النفس. Le jugement n'est établi qu'avec la preuve venant de ce qu'Allah a légiféré et pas de la conjecture et de ce que l'âme désire. Quatrièmement, رابعاً أن الله قد أقام الحجة بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب. Allah a établi les preuves par son envoi des messagers ou par les messagers qu'il a envoyés et par les livres qu'il a révélés ou par la révélation de livres. Maintenant, on arrive à un autre dalil que Cheikh al-Islam, Mohammed Na'louhab, rahimahullah, il cite dans son chapitre qui concerne, encore une fois, « Bab man tabarraka bi shajaratin ou hajarin wa nahwihima » Le chapitre de ce qui a été rapporté concernant celui qui cherche la bénédiction, auprès de quoi ? Auprès d'un arbre, ou de pierre, ou d'autres choses similaires à ces deux choses-là. Eh bien, il rapporte un hadith, il dit عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. D'après Abu Waqid al-Layfi, qu'à l'agré qui dit, nous étions sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en direction de Hunayn, alors que nous avions quitté la mécréance depuis peu, c'est-à-dire qu'il s'était converti à l'islam depuis peu. Les polythéistes avaient un cèdre qu'ils appelaient Dhatu Anwat, auprès duquel ils avaient l'habitude de faire halte et d'y accrocher leurs armes. Nous sommes donc passés près d'un cèdre et nous avons demandé à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous un Dhat Anwat, comme ils ont un Dhat Anwat. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, Allah est le plus grand. Ce sont certes les mêmes voix que ceux qui vous ont précédés. Par celui qui détient mon âme entre ses mains. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez dit comme les fils d'Israël ont dit à Moïse. Et puis, il a cité des versets de sourate Al-A'raf, le verset 138, désigne, dont la traduction du sens est, désigne-nous une divinité qu'on adore semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes un peuple ignorant. Sourate Al-A'raf, verset 138. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué en disant, vous suivez certes l'exemple de ceux qui vous ont précédé. Ce hadith l'a rapporté par At-Tirmidhi qui l'a jugé authentique. Avec ça, on a fini la parole de Cheikh l'Islam Mohammed Na'louhab rahimahullah ta'ala. Cheikh al-Fawzan, il explique ce passage, il dit Abu Waqid al-Layfi huwa al-Harith ibn Auf sahabi mashhur mata sana 68 hijriya wa lahu 85 sana. Donc Cheikh il dit Abu Waqid al-Layfi c'est Al-Harith ibn Auf, un compagnon célèbre décédé en l'an 68 de l'Hégire alors qu'il était âgé de 85 ans. Hunayn wadin yaqa'u fi sharqi Makkah baynahu wa baynaha bid'atu 10 milan qatala fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qabilata Hawazin. Hunayn, c'est une vallée située à l'est de la Mecque, à une distance de 13 plus ou moins à 19 000, hein, M-I-L-E-S, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam y a combattu la tribu de Hawazin, ce qu'on appelle Ghazwat Hunayn, l'expédition de Hunayn. Hudatha ou Ahdin Bikufr, c'est-à-dire Qaribun Ahduna Bilkufr. Nous avions quitté la mécréance depuis peu, c'est-à-dire que nous étions encore mécréants il y a peu de temps. Ya'kufun, ils y faisaient halte, c'est-à-dire ils y résidaient et le vénéraient et ils cherchaient la bénédiction. Anwat, ou bien plutôt ici, yanutuna biha aslihatahum, yu'alliqunaha 'alayha lil baraka. Yanutun, qu'est-ce que ça veut dire ici? Bien, c'est ils les y accrochaient ces armes, cherchant par cela la bénédiction. Anwat, c'est jam'u nawt, wa huwa masdarun summiya bihi al-manut, summiyat bidhalika likathrati ma yunatu biha min as-silah li ajli at-tabarruk. Anwat, c'est le pluriel de Naut, c'est un radical, une racine, un masdar, comme on dit, qui a donné son nom à ce sur quoi les choses sont accrochées. Il a été nommé ainsi en raison de la multitude d'armes qui étaient accrochées, cherchant par cela la bénédiction. Et j'allana, ذات Anwat, sa'alouhu an yaj'alalahum mitlaha. Donc, donne-nous un ذات Anwat, c'est-à-dire qu'ils lui ont demandé qu'il leur donne la même chose. Allahu Akbar. أجل وأعظم صيغة تعجب الله أكبر الله le plus majestueux, le plus éminent, سبحانه وتعالى. Et c'est une formule d'étonnement. On va voir que c'est légiféré dans l'ordre notamment de l'étonnement, de faire le tesbih, le takbir, de dire سبحان الله, de dire الله أكبر. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, on ne va pas citer ce que les gens disent, mais à la kulli hal, vous savez ce que beaucoup de gens disent, ils disent ce qui est légiféré et ils délaissent ce qui n'est pas légiféré. السنن بضم السين الطرق أي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة السنن avec une dhamma sur le sin, les voies que vous avez suivies comme les voies blâmables qu'ont suivi ceux qui vous ont précédé. Israël هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. Israël c'est Israël, c'est Yaqub بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. سنن من كان قبلكم بضم السين طرقهم ويجوز فتح السين يعني سنن بمعنى طريقهم. سنن من كان قبلكم les voies de ceux qui vous ont précédé avec une dhamma sur le sin. Il est autorisé aussi de mettre une fatha sur le sin, سنن, avec le sens de leur voix, mais ici au singulier. Donc on avait dit les voix de ceux qui sunana, et ici c'est sanana avec le sens de leur voix, tariqihim, c'est-à-dire un singulier et pas un pluriel. Le sens général du hadith, le ma'na al-ijmali du hadith. Yukhbiru Abu Waqid an waqi'atin fiha 'ajabun wa mu'idatun wa hiya annahum ghazaw ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qabilat Hawazin wa kana dukhuluhum fil Islam qariba fa khafi 'alayhim amru ash-shirk. فلما رأوا ما يصنع المشركون من التبرك بالشجرة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا وتعظيما لله سبحانه وتعالى وتعجبا من هذه المقالة وأخبر أن هذه المقالة تشبه مقالة قوم موسى له لما رأوا من يعبد الأصنام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وأن هذا جريان على طريقتهم ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى وتسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم وهو خبر معناه الذم والتحذير من هذا الفعل. Quel est le sens de ce hadith d'Abu Waqid al-Layfi? Abu Waqid al-Layfi رضي الله عنه il a dit, le sens de son hadith pardon, il informe d'un événement dans lequel il y a une raison d'étonnement et une immense exhortation. Et c'est qu'ils étaient en expédition avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers la tribu de Hawazin, alors qu'ils étaient convertis à l'islam depuis peu. Et donc ce qui concerne le shirk, l'association, ne leur était pas encore clairement apparu. Et donc lorsqu'ils ont vu que ce que les associateurs faisaient en termes de recherche de bénédiction, ce qu'on appelait tabarruk, auprès de l'arbre, ils ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il leur donne un arbre identique au leur. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Allahu Akbar, en guise de reproche et en guise de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala et en guise d'étonnement quant à cette parole. Et il sallallahu alayhi wa sallam a informé que cette parole ressemblait à la parole du peuple de Moïse à Moïse lorsqu'ils ont vu ceux qui adoraient les idoles et qu'ils ont demandé désigne-nous une divinité qu'on adore semblable à leur Dieu. Au pluriel, hein, Dieu. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, les a informés qu'il les suivait dans cette voie par cela. Puis il, sallallahu alayhi wa sallam, a informé que cette communauté suivrait la voie des juifs et des chrétiens, et qu'ils suivraient leur méthodologie, et qu'ils feraient leurs actions, et c'est une information qu'a pour sens le blâme. Parce que pourquoi ça, il a informé. Pourquoi il a informé? pour blâmer et pour mettre en garde contre cette action. Donc cette information qui a pour sens le blâme et la mise en garde contre cette action. Maintenant, le rapport entre le hadith et quoi ? Et le chapitre. Munasabatu al-hadith lil-bab anna fihi dalilan ala anna at-tabarruk bil-ashjar wa ghayriha shirk wa ta'lih ma'a Allah. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith la preuve que le fait de chercher la bénédiction et autres est une association et le fait d'attribuer une divinité en dehors d'Allah. Ce que l'on tire comme bénéfice de ce hadith, avant que j'oublie, partez pas directement après le cours, quelques bonnes petites nouvelles à vous rapporter, inshallah. Ce que l'on tire comme bénéfice de ce hadith, il y en a 9, ça va ? ما يستفاد من الحديث اولا ان التبرك بالاشجار شرك ومثلها الاحجار وغيرها بل premier bénéfice qu'on tire de cela c'est que chercher la bénédiction auprès des arbres est une association et de manière similaire les pierres et autres. Deuxièmement, ثانيا ان المنتقل من الباطل الذي اعتاده, c'est une règle importante ça, ان المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يؤمن ان يكون في قلبه baqiyatun min tilka al-'ada. Celui qui quitte le faux auquel il était habitué n'est pas à l'abri d'avoir un reste de cette habitude dans son cœur. Thalithan anna sabab 'ibadati al-asnam huwa ta'zimuha wal-'ukuf 'indaha wa tabarruk biha. La cause de l'adoration des idoles est leur vénération et d'y faire halte et de chercher la bénédiction auprès d'elles. Quatrièmement, rabi'an, an al-insana qad yastahsinu shay'an yadhunnuhu yuqarribuhu ila Allah wa huwa yub'iduhu anhu. Quatrième bénéfice, il se peut que l'individu voit quelque chose comme étant une bonne chose. Yastahsinu al-amr, comme on dit. Il voit ça comme quelque chose de hasan. Du verbe istahsana, yastahsinu istihsanan. Comme étant une bonne chose, pensant que cela le rapproche d'Allah, alors que cela l'éloigne de lui. خامسا انه ينبغي للمسلم ان يسبح ويكبر اذا سمع ما لا ينبغي ان يقال في الدين وعند التعجب. Il convient aux musulmans de faire le tasbih et le takbir. Le tasbih c'est le fait de dire subhanallah et le takbir c'est le fait de dire Allahu akbar. C'est le terme qu'il faut comprendre. Le mashaykh aussi, on a rapporté souvent dans les cours, il rapporte ce qu'on appelle hawqala. Qu'est-ce que c'est quoi le hawqala? La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamda, aussi, par exemple, al-basmala, le fait de dire bismillah ar-rahman ar-rahim. Ou bien tahlil, c'est quoi le tahlil? Le fait de dire la ilaha illallah. Hein? Ce sont des termes qu'il faut apprendre petit à petit, inshallah. Donc ici, il convient au musulman de faire le tasbih et le takbir lorsqu'il entend ce qui ne convient pas d'être dit au sujet de la religion et lors de l'étonnement. Qui sait c'est quoi j'arrive même pas à le prononcer moi maintenant. Al-hay'alata, yak. Al-hay'alata, voilà, c'est comme ça. Qui sait c'est quoi? Hein? C'est le fait de dire hay'ala. Ok, on continue. Sixième bénéfice, sadisan. Al-ikhbaru an wuku'i shirk fi hadi l'umma wa qad waqa'a. L'information que l'association allait arriver dans cette communauté, et c'est certes arrivé. Et de là, on va découler le septième bénéfice qui est عَلَمٌ مِنْ عَلَمِ النُّبُوَّةِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَيْثُ وَقَعَ الشِّرْكُ فِي هَدِي الْأُمَّةِ كَمَا أَخْبَرَ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Un signe parmi les signes de sa prophétie, عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَّمْ, car l'association s'est passée, c'est arrivé dans cette communauté, comme, ou a eu lieu si vous voulez, comme il, sallallahu alayhi wa sallam, en avait informé. Huitième et avant-dernier. Thaminan, النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلى ما دل الدليل على أنه من ديننا. L'interdiction de ressembler aux gens de la période pré-islamique et aux juifs et aux chrétiens, si ce n'est dans ce qui a été spécifié par une preuve comme faisant partie de notre religion. تاسعاً, أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. Ce qui prend en considération dans les jugements, c'est une règle, sont les sens et pas les noms. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a considéré leur requête comme la requête des fils d'Israël et n'a pas prêté attention au fait qu'ils l'ont nommé Dhat Anwar. Avec cela, on a fini le chapitre sur ce qui était rapporté concernant le fait de chercher la bénédiction auprès d'un arbre ou d'une pierre ou d'autres choses similaires à ces deux choses-là. Et avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.